mots pour que tu viennes un vrai. C'est mur et mur et mur réflexion. Faux, c'est trop flou, au geste fait, je m'arrête, dépose et pose et ose mes décisions. Attendre un temps colossal, il faut que j'aille attendre, attendre, prétendre de paix pour être bon. Déposé ou pâle, il faut que je sache si je dois agir, il faut que je sache si je dois rien dire, il faut que je sache si je dois choisir, il faut que je sache si je dois te perdre. Abandonne cet homme qui reste debout, sa carme et toute sa vie. Abandonne cet homme qui fait ses faux chaque soir, qui pète des palis. Abandonne cet homme qui de ses gestes au fond de soi se trahit. Abandonne cet homme qui veut pas croire et pousse en toi à trahir. Abandonne cet homme qui reste debout, sa carme et toute sa vie. Abandonne cet homme qui fait ses faux chaque soir, qui pète des palis. Abandonne cet homme qui de ses gestes au fond de soi se trahit. Abandonne cet homme qui veut pas croire et pousse en toi à trahir. J'ai les traces qui te montrent pour que tu vives à deux, heureux, sérieux et mieux sans ces conflits. Peut-être quatre c'est le nombre que l'on peut créer du choix qu'on a pour croire qu'une place peut nous unir. Entendre tant de mots devrait te dire sortir, choisir qu'on peut tenir même dans le pire. Et de s'aimer pour voir les mots qu'on a et qui s'expriment, les mots qu'on a et qui nous plient, les mots qu'on a et qui récitent, les mots qu'on a en qui l'on s'aime. Abandonne cet homme qui reste debout, sa carme et toute sa vie. Abandonne cet homme qui fait ses faux chaque soir, qui pète des palis. Abandonne cet homme qui de ses gestes au fond de soi se trahit. Abandonne cet homme qui veut pas croire et pousse en toi à trahir. Abandonne cet homme qui reste debout, sa carme et toute sa vie. Abandonne cet homme qui fait ses faux chaque soir, qui pète des palis. Abandonne cet homme qui de ses gestes au fond de soi se trahit. Abandonne cet homme qui veut pas croire et pousse en toi à trahir. Abandonne cet homme, abandonne cet homme, abandonne cet homme.